Martino. Jean Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Signature ce mardi du règlement d'ordre intérieur du comité mixte paritaire de concertation du programme Nusigarinyuma en partenariat Burundi-Belgique sur la période de 2024-2028. Une enveloppe de 75 millions d'euros sera engagée sur les 5 ans dans les provinces Cibitoke et Kirundo. Une des écoles pilotes de l'éducation inclusive manque de matériel didactique. Les élèves aveugles de l'école Pen Blind School de Kabezi affirment qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour apprendre les mathématiques. Sheila Irambona a visité cette école. Le reportage à suivre. Les déplacés de guerre ont droit à un asile dans un autre pays selon la Convention de Genève de 1951. Rappel, un doctorant en matière de droit des réfugiés et le droit d'asile au moment où des contrôles sont effectués ces derniers jours en mairie de Bujumbura sur le flux des migrants en provenance de la République démocratique du Congo. Vous entendrez l'analyse de Viateur Nderichimai. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Signature ce mardi du règlement d'ordre intérieur du comité mixte paritaire de concertation du programme Nusigarinyuma, un partenariat Burundi-Belgique sur la période 2024-2028. Ce programme marque un nouveau dynamisme de coopération entre ces deux pays pour une enveloppe de 75 millions d'euros sur les 5 ans et mise en œuvre dans les provinces Cibitoke et Kirundo, a précisé Bart Penewat, directeur général adjoint de la coopération au développement humanitaire et de l'aide humanitaire. C'est un cadre qui vise l'impact des interventions dans les 5 secteurs qu'appuie la Belgique à travers son agence de coopération, Enabel. Suivez-le. Nous attachons une grande importance à notre coopération que nous voyons comme un vrai partenariat. Ce comité mixte marque un moment charnière de la coopération burundo-belge. Nous avons lancé le nouveau programme bilatéral pour la période 24-28. Avec un budget de 75 millions d'euros sur 5 ans, c'est la moitié de notre coopération belge-burundi. Il témoigne d'une ambition de donner un nouveau dynamisme à notre coopération. Vous serez d'accord que ce programme s'inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement burundais, le plan de développement national ainsi que la vision 40-60 du président de la République. C'est vrai, il s'agit du premier programme conclu depuis celui de 2010, mais dans les faits, la coopération belge, je pense, n'a jamais quitté vraiment le Burundi. Nous sommes engagés, nous restons engagés pour travailler, pour améliorer la qualité de vie de la population burundaise avec vous, les autorités. Notre programme pour les années à venir s'appuie en conséquence sur les résultats du programme précédent, 2010-2013, sur lesquels il veut capitaliser. Il en assure la continuité et propose des nouvelles approches pour augmenter l'impact des interventions. Alors, la première phase, qui repose sur l'organisation des comités de pilotage dans les 5 domaines d'action, ce comité mixte présente donc l'occasion de se projeter ensemble dans les années à venir. Les défis que rencontre le Burundi sont nombreux, qu'ils soient environnementaux, climatiques, socio-économiques. Et c'est pourquoi le nouveau programme visera le renforcement et la résilience des populations les plus vulnérables, les femmes, les filles et les jeunes. La concentration sur 2 provinces, Cibitoke et Kirundo, répond aux besoins d'une forte cohérence du programme, permettant des synergies entre les interventions des différents acteurs. La réussite de ce programme dépend d'un effort partagé. Bart Penewat, directeur général adjoint de la coopération développement humanitaire et de l'aide humanitaire. Et bien qu'il y ait eu des hauts et des bas dans le passé entre le Burundi et la Belgique, le bon sens a toujours triomphé, s'est réjoui, s'il dit Manirerekana, assistant du ministre burundais des Relations extérieures, qui appelle les secteurs appuyés à mettre en œuvre le savoir et la détermination. On l'écoute. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes d'incompréhension et même de velléité de divorce. Mais fort heureusement, le bon sens a toujours triomphé et nous n'avons jamais atteint cette triste étape. Ces liens solides d'amitié ont permis un partenariat constructif, fructueux et enrichissant dans divers domaines et une mise en œuvre d'actions concrètes et durables de coopération qui ont aligné la Belgique comme premier partenaire bilatéral pendant de longues années avant 2015. Notre souhait est de voir la Belgique reprendre rapidement sa place de premier partenaire bilatéral et nous sommes sur la bonne voie comme vous l'avez déjà souligné. C'est dans ce cadre que nous lançons aujourd'hui les travaux du comité mixte paritaire de concertation qui a pour mandat d'assurer le suivi des objectifs convenus dans la convention spécifique conclue entre nos deux pays le 20 décembre 2023. À titre de rappel, ces objectifs visent des systèmes agroalimentaires durables par le soutien et la modernisation d'une agriculture plus performante et un accès équitable et inclusif aux services sociaux de qualité à travers le soutien au secteur de la santé, de l'éducation post-fondamentale, une insertion professionnelle, notamment par le développement des compétences professionnelles, ainsi qu'une gouvernance et une participation citoyenne par le biais du renforcement des capacités en matière de planification et de gestion de la performance. C'était Sylvie Manirerekana, assistant du ministre burundais des Relations extérieures, et ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Les déplacés de guerre ont droit à un asile dans un autre pays selon la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de 1967. Analyse d'un doctorant en matière des droits des réfugiés et le droit d'asile au moment où des contrôles sont effectués ces derniers jours en mairie de Bujumbura sur le flux des migrants en provenance de la République démocratique du Congo. Viateur Nderichimhaye trouve que même si la Convention de Genève ne donne pas de précision sur les réfugiés urbains, ceux qui ont les moyens peuvent vivre là où ils veulent. Cet expert conseille à l'administration de s'impliquer pour éviter la confusion des étudiants congolais et des ennemis du pays. Suivez-le. Ah, mon bazar sur la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 précise que les réfugiés quand même ont droit d'asile et le droit de réfugiés. Alors, à ce que les enseignements régionaux aussi soulignent que qu'il importe que les dispositions du droit international humanitaire et des droits relatifs aux droits de l'homme et aux réfugiés soient respectées si l'on veut éviter les exodes massifs et protéger les réfugiés et les déplacés dans leurs propres pays. Là, je dirais qu'il n'y a pas de procédure exacte du fait qu'on reconnaît uniquement que les réfugiés ont droit d'asile, que ce soit dans le cadre des réfugiés ou bien que ce soit même dans les pays. Bon, si tout est qu'ils soient à mesure de vivre sans problème, s'il y a des moyens, s'il y a de quoi. S'ils ne comptent pas à chercher des services ou bien à chercher la prise en charge par le HCR, par exemple, ou bien les autres organisations internationales ou nationales, pourquoi pas régionales, pour les prendre en charge, ils peuvent donc vivre n'importe où, vivre, pourvu que quand même ils soient, ou bien qu'il y ait le droit d'asile. Concernant les réfugiés, donc c'est tous les réfugiés qui sont menacés, je dirais, par l'administration, si vous voulez. En ce sens, il faut vérifier si ces étudiants d'abord possèdent quoi à des documents témoignant qu'ils ont demandé quoi le droit d'asile ou bien au moins s'ils ont au moins quelques papiers montrant qu'ils sont vraiment des réfugiés. Sinon, en cas de manque de ces documents là, l'administration donc peut s'impliquer à la demande à démontrer quoi les documents, entre autres donc les cartes témoignant qu'ils sont des étudiants par exemple. Je pense que l'administration doit s'impliquer et en évitant bien sûr de confondre les étudiants congolais et les ennemis du pays. Viateur Nderichimhaye, il est doctorant en matière de droit des réfugiés et le droit d'asile. Je vous l'avais dit dans les titres, certains élèves aveugles de l'école Pen Blind School de Kabizi, une des écoles pilotes de l'éducation inclusive, déplorent le manque de matériel didactique actualisé pour le cours de mathématiques. Ils se plaignent de fournir trop d'efforts pour apprendre ce cours. Ces élèves se joignent à leur direction pour demander au gouvernement de leur fournir ce matériel. La direction de l'enseignement chargée de l'éducation inclusive rassure que ce matériel est disponible et qu'il y va être prochainement distribué. Sheila Irambona pour les détails. Ces élèves vivant avec un handicap visuel de l'école Pen Blind School de Kabezi, de la province Bujumbura, saluent le fait qu'ils étudient dans de bonnes conditions et qu'ils cohabitent bien avec leurs condisciples n'ayant pas d'handicap. Ils déplorent néanmoins qu'avec le système d'éducation inclusive adopté par leur établissement, ils font face à certains défis comme le manque de matériel didactique, notamment pour le cours de mathématiques. Ils indiquent que cela ne leur facilite pas la vie vu qu'ils sont en compétition avec des élèves qui n'étudient pas dans les mêmes conditions. Les autres peuvent assimiler facilement la matière parce que le professeur enseigne étant en train d'écrire au tableau. Ils peuvent retenir les explications aisément. On apprend les mathématiques très difficilement car nous avons du matériel didactique qui n'est pas avancé. Nous ne pouvons pas assimiler la matière sur la même vitesse que les autres. Cela nous demande de fournir beaucoup d'efforts. On doit faire recours à nos condisciples pour les explications. Nous avons aussi un problème de matériel didactique qui est très important car nous avons les mêmes examens, les mêmes professeurs, mais on se retrouve en train de travailler dans des conditions différentes. Ces élèves vivant avec cet handicap se plaignent également qu'il y a des fois où certains parmi eux ne réussissent pas en classe, faute de suivi. Ils demandent à ce que le gouvernement fasse tout pour leur fournir du matériel didactique adéquat ainsi que plus de professeurs qualifiés. Un appel lancé par la direction de cette école pour ce qui est du matériel didactique. Pour cette école, on a un manque de ces types d'outils à utiliser pour enseigner ce cours de mathématiques. Alors, on espère que dans l'avenir, on aura résolu ce problème pour que ces enfants puissent, comme les autres. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse appuyer. Au niveau de la direction chargée de l'éducation inclusive au ministère de l'Éducation, on indique que ce matériel est disponible. Le directeur Patrice Hatouvonimana rassure qu'ils seront distribués prochainement et que ce ministère prévoit des formations pour les enseignants. On a pu doter à ces écoles pilotes et matériel suffisant pour l'encadrement de ces déficients visuels. À toutes ces écoles, nous procédons au renforcement de capacités pour les enseignants en ce qui est de l'accueil et l'orientation de ces enfants-là vivant avec handicap. Nous renforçons les capacités en ce qui est de la pédagogie différentielle suivant le type de handicap. Nous les renforçons aussi en ce qui est de l'évaluation pour que de l'enseignement à l'évaluation, ces enseignants ne rencontrent aucun obstacle. L'autre défi relevé par ces élèves est qu'ils doivent parcourir de longues distances pour trouver une école avec un système inclusif. Le ministère de l'Éducation révèle qu'ils existent seulement 32 sur tout le territoire du pays. Ces élèves plaident à ce que ces écoles soient augmentées pour que tous les enfants vivant avec un handicap puissent avoir accès à l'éducation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'ombudsman burundais affirme que le secteur de la justice est miné par la corruption au regard des doléances reçues de la part des citoyens ayant fait recours à cette institution. Aimé Laurentine Kanyana suggère la création d'un centre d'arbitrage en matière commerciale et un conseil d'osage en matière foncière. Elle l'a dit ce lundi devant les députés lors de la présentation du rapport des réalisations de l'année 2024. Certains députés ont voulu savoir d'une part ce qui doit être fait pour que les dossiers pendants en justice soient traités rapidement et d'autre part le niveau de collaboration de l'institution de l'Ombudsman avec d'autres institutions comme la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Jean-Marie Mayonga. L'ombudsman burundais, Aimé Laurentine Kanyana, devant les députés ce lundi, présenta le rapport de réalisation de l'année 2024. Il a signalé que les citoyens ont fait recours à cette institution, présentant un grand nombre et leurs doléances ont été écoutées et traitées. Certains députés ont voulu savoir comment faire pour que les dossiers en justice soient traités rapidement. Vous avez parlé de la mise en place du conseil des sages qui peut vérifier comment les procès sur le conflit foncier ont été exécutés et vous l'avez parlé dans les réformes sur la justice commerciale qu'il faut un centre d'arbitrage. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de confusion de mission des uns et des autres? Aimé Laurentine Kanyana a répondu que dans le secteur de la justice, notre constat est qu'il y a beaucoup de problèmes. Les citoyens disent qu'il est plein de corruption, ce qui fait que les dossiers n'avancent pas. Dans les collines, il y a les médiateurs qui travaillent bien pour traiter les dossiers, si possible. Qu'il y ait dans les provinces les sages qui aident dans la mise en application des jugements rendus. S'il y a une personne qui n'apprécie pas ce jugement, qui s'adresse à ces sages avant de descendre à Bujumbura pour que son dossier soit étudié. Si tu étais présent là où le problème s'est présenté, c'est facile de traiter ce dossier et aucun jugement ne peut ne pas trouver solution. Quant à la mise en place d'un centre d'arbitrage, Aimé Laurentine Kanyana a précisé que ce centre existe dans tous les pays et intervient en cas de mésentente entre les investisseurs qui ne veulent pas se présenter dans les instances juridiques. Personne n'est interdit de s'adresser au centre d'arbitrage. Il n'y aura pas de confusion des missions parce que c'est le choix de chacun suivant leur convention en décidant de ne pas aller dans les juridictions pour faire avancer les dossiers et que la vie continue à la normale. Autre question était de savoir comment l'institution de l'Ombudsman collabore avec d'autres institutions comme la CNDH. Je voulais savoir comment est la collaboration avec la CNDH et d'autres institutions afin que le droit de l'homme soit respecté dans tous les domaines. À cette question, l'Ombudsman Burundi a répondu que ces différentes institutions collaborent bien et se complètent. Au cours de l'année 2024, il a été constaté que l'évolution du nombre de réclamations enregistrées montre un fléchissement, passant de 1101 dossiers en 2023 à 523 en 2024. Merci Jean-Marie Mayonga. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 sur le tronçon Lomongé-Gitaza sont en point mort depuis bientôt 2 mois. Les usagers de cette route se demandent si l'entreprise de construction Sogea Satom a abandonné ce projet au niveau de Minago ou si elle va poursuivre l'exécution des travaux. Au niveau de l'agence routière du Burundi ARB, maître de l'ouvrage et délégué du gouvernement burundais, l'on informe qu'un accord de poursuite des travaux a été déjà conclu et que les procédures pour l'obtention des fonds nécessaires sont en cours. Radio Isanganiro, chronique santé. L'infection à l'Helicobacter pylori qui touche la muqueuse de l'estomac peut être traitée et guérir généralement en l'espace de 2 semaines. Docteur Yves Nyonguru indique que le patient risque un cancer gastrique lorsque l'infection a été diagnostiquée tardivement ou s'il a été mal traité. En général, ajoute ce médecin, le mode de prévention repose essentiellement sur le respect des mesures d'hygiène. Ornella Mocho. Lors de la précédente chronique santé, Dr Yves Nyonguru avait expliqué que la contamination de cette bactérie d'Helicobacter pylori infectant la muqueuse de l'estomac s'effectue généralement pendant l'enfance et persiste en l'absence de traitement pour l'éradiquer et que les symptômes comme une indigestion, une douleur ou une sensation de gêne dans le haut de l'abdomen apparaissent après une longue durée. J'ajoute qu'une fois diagnostiqué précocement, le traitement est habituellement de 2 semaines, tout en ajoutant que les médecins confirment la réussite des traitement en répétant différents tests, dont les analyses de sel environ 4 semaines après la fin du traitement. L'infection à Helicobacter pylori est traitable et ça guérit. Et d'ailleurs, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est environ 7 à 14 jours, donc il y a 2 semaines. Si vous prenez bien les médicaments prescrits, ça va guérir. Cette infection est le facteur de risque du cancer de l'estomac si elle a été diagnostiquée tardivement. Souvent, les patients qui souffrent de la maladie, ils ne savent pas que c'est l'Helicobacter pylori qui aurait été la cause, mais ils vont d'abord consulter d'autres gens qui ne sont pas des médecins. Et puis, c'est après que ça n'a pas donné la bonne réponse qu'ils vont venir à l'hôpital. Alors, je dirais que, comme vous le savez, toute maladie qui peut causer des vomissements, des troubles digestifs, ça peut entraîner la mort directement. Parce que si vous vomissez beaucoup et que vous ne consultez pas, il y a le risque de perdre beaucoup de liquide et ça va entraîner la déshydratation. Après, vous allez mourir. Mais aussi, les douleurs de chaque jour, ça peut affaiblir votre corps. Mais aussi, nous avons vu que dans les complications, il y a des ulcères. Ces ulcères peuvent se perforer. Et s'ils sont perforés, ils vont entraîner des pertes sanguines, des hémorragies. Alors, s'il y a hémorragie, vous comprenez que ça peut entraîner la mort. Mais aussi, il y a le risque de cancer de l'estomac. L'un des moyens de prévention, c'est d'éviter le contact direct avec la salive ou les selles d'une personne infectée. Il ne faut pas mâcher pour les enfants. Il faut préparer les aliments avec des ustensiles appropriés et ne pas les aider à mâcher les aliments pour en faire des données aux enfants. Et aussi, ils doivent prendre des mesures appropriées pour l'hygiène. Et puis, éviter de partager. Si vous savez que vous avez la maladie, il ne faut pas partager, je dirais, les ustensiles que vous utilisez lorsque vous buvez de l'eau ou d'autres choses. Docteur Yves Nyunguru souligne qu'en général, il est toujours nécessaire de se laver à fond avec de l'eau propre des savons, boire de l'eau provenant d'une source salubre et sécuritaire, mais aussi consommer des aliments qui ont été préparés adéquatement. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.